Chapitre 18e. Le soleil avait disparu derrière la forêt lorsque Marthe, ne trouvant point sa fille à la maison, se rendit à l'Auzeraie. Assise sur le tronc d'un vieux saule, Thécla regardait couler les vagues assombries de la rivière, et pour la dernière fois, les chargeait de porter ses adieux au bien-aimé. Les paroles de Mavra, auxquelles elle avait d'abord attaché un sens prophétique, ne l'avaient pas consolée longtemps. Le brouillard s'élevait lentement autour d'elle, sans qu'elle s'en aperçût. Brisée par les longues larmes, elle ne sentait ni le crépuscule envahissant, ni l'humidité pénétrante. Elle aimait au contraire le frisson qui la parcourait de temps en temps et qui la faisait songer avec délice à une mort possible et prochaine. « Thécla !» fit sa mère en l'apercevant du plus loin. « Mère, me voici !» répondit la jeune fille en se levant avec promptitude. Elle s'approcha, moins vite qu'elle ne l'eût voulu. Son corps souple, lassé par la tristesse, avait des attitudes de roseau penché. « Eh bien, » fit Thécla, d'une gaieté forcée, pour empêcher sa mère de remarquer son visage, « tu as retenu nos places ?»« C'est vrai, » fit Marthe stupéfaite, « je les ai retenues. » Le passé le plus récent lui paraissait si loin, depuis l'événement inouï qu'elle venait d'apprendre, qu'elle croyait avoir vécu un siècle depuis une heure. Thécla regarda sa mère avec étonnement et se rangea près d'elle pour regagner la maison. Soudain, elle vit à la porte la britchka encore attelée, et Sava, qui l'attendait, debout sur le seuil. « Ah, mon Dieu » s'écria-t-elle, « il est mort !» Elle essaya de se retenir aux vêtements de sa mère, mais sans y parvenir. Tournoyant sur elle-même comme un épi fauché, elle tomba aux pieds du serviteur, qui la prit dans ses bras et l'emporta dans sa maison avec une douceur infinie en grommelant « Est-ce bête, les jeunes gens !» L'instant d'après, elle rouvrit les yeux et chercha Sava du regard. Il était en face d'elle, et n'avait nullement l'air d'un messager de funèbre nouvelle. Le comte Xavier m'a chargé de vous prier de revenir au château, dit le vieux serviteur. Il a été malade, mais il va mieux, et pour achever sa convalescence, il voudrait vous revoir, vous et votre maman. Thécla tourna son regard navré vers Marthe et s'aperçut que celle-ci souriait. Nous allons retourner au château, ma fille, dit la mère en la caressant de la voix et du geste. Le comte Xavier nous fait une proposition qui nous honore. Il me fait demander ta main. « Moi ?» murmura Thécla. Elle resta silencieuse un moment. Les grandes joies ont au premier choc quelque chose de profondément triste, sans doute la douleur du passé qui se fait sentir en prenant congé de l'âme. « Est-ce qu'il a pensé que je l'aimais pour sa fortune ?» demanda la fière jeune fille en redressant la tête. « Personne ne pense à cela, » gronda Sava. « On vous dit qu'il est malade. Et vous, mademoiselle, sans vous offenser, vous n'avez pas l'air florissant. Partons vite, retournons là-bas. » Ne le faisons pas attendre. Au premier rayon du soleil, la britchka entra dans la cour du château. Xavier, réveillé par les clochettes, s'était traîné à sa fenêtre qu'il ouvrit toute grande. Le joli visage de Thécla, levé vers lui, fut le premier objet qu'il aperçut et lui tendit les bras pendant que, honteuse, elle détournait la tête.